La délégation du Parti populaire révolutionnaire Lao en visite en Corée a offert un présent au maréchal Kim Jong-un, président du Parti travail de Corée et premier président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée. Le chef de la délégation, Mme Sun Tonsa-Nyatak, membre du comité central et présidente de la commission des relations extérieures du comité central du parti, l'a transmis le 13 courant à Ri Su-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti travail de Corée.